On est au 9e vers, c'est ça? Au 9e, à la 9e leçon. Bismillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. On s'est arrêté la dernière fois au deuxième principe. Le premier principe c'est quoi? C'est la connaissance d'Allah. Le deuxième c'est la connaissance de la religion de l'islam en nous basant sur des arguments. Et le cheikh, il a expliqué ce que ça veut dire cet islam-là. L'islam, il consiste en la soumission complète à Allah seul et unique. Ou l'istislamu lillahi bit-tawhid, ou l'inqiyadu lahu bit-ta'a, et de se laisser guider, orienter par lui avec obéissance, inqiyad bit-ta'a, et bien sûr en s'éloignant, en se désavouant, en rejetant le shirk, l'association. Et ses adeptes. C'est ça l'islam. L'islam qu'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Et on a dit qu'il y a deux sortes d'islam, deux sortes de soumission. La soumission universelle ou ontologique, et la personne n'en échappe. Même le mécréant, il est soumis. Il ne peut pas faire arrêter son cœur. Il ne peut pas diminuer sa température de moins de 37 degrés ni la faire augmenter. C'est Allah qui fait ça. C'est Allah qui le gère, qui administre ses affaires. C'est Allah qui contrôle tous ses appareils digestifs, etc. Et ça, c'est soumission, ce qu'on appelle l'islam ontologique, universel. Allah, il en parle, il dit « أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوَّعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يَرْجَعُونَ » Allah, il dit « Désire-t-il autre chose que la religion d'Allah alors que ce qui est dans les cieux et sur la terre lui est soumis, de gré ou de force, et que vers lui ils seront ramenés ?» Comme Allah dit subhanahu wa ta'ala dans surat Al-Imran, la surat 3 et le verset 83. Donc on a dit que le fait de reconnaître cette réalité, qu'on est soumis, que c'est Allah qui contrôle notre vue, que c'est Allah qui fait qu'on voit, qu'on mange et qu'on respire, c'est Allah qui dirige tout notre corps, etc., qui fait fonctionner notre corps, la reconnaissance de cette réalité ne suffit pas de faire rentrer la personne en islam. Il faut qu'il se soumet religieusement. Parce que Iblis, qu'Allah le maudit, il dit « Rabbi bima arwaytani la uzayyidanna lahum fil ardi wa la aghwiyannahum ajma'in » Iblis, qu'est-ce qu'il dit? Satan. Il dit « Oh mon Rab ». Quand il dit « Oh mon Rab », ça veut dire qu'il reconnaît qu'il est son Seigneur, il reconnaît qu'il est le roi, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il gère l'univers et que c'est lui le créateur. Donc il reconnaît l'islam ontologique, universel. Il le reconnaît. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il ne s'est pas soumis religieusement. D'accord? Donc il a dit « Oh mon Rab, oh mon Seigneur, parce que tu m'as induit en erreur, eh bien je leur enjoliverai la vie sur terre et les égarerai tous. » Parce que tu m'as induit en erreur, ça c'est un argument que lui il donne. Parce qu'à chaque fois qu'on commet un péché, on dit « C'est Allah qui m'a induit, c'est Allah qui m'a poussé à faire ce péché, c'est Allah qui a voulu que je le fasse. » Hein? D'accord? Satan aussi il a pris cet argument-là. Donc il reconnaît la réalité universelle. Donc c'est l'islam religieux qu'on doit c'est l'islam religieux, la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala en se soumettant à ses prescriptions, c'est là qui fait rentrer la personne au paradis. C'est ça qui fait rentrer la personne au paradis. Et il l'a défini, le cheikh, il a dit, il consiste en la soumission complète à Allah unique, à se laisser guider et orienter par lui avec l'obéissance, wal-inqiyadu lahu bit-ta'a, wal-khulusu min ash-shirk, et à sauvegarder sa conviction, ou exclusivement, et sa fidélité en s'éloignant en rejetant et en déniant le shirk, l'association et les adeptes et les associateurs. Donc c'est ça l'islam. C'est ça l'islam global. Et on a dit que cet islam global général, il comporte 3 degrés. D'accord ? Il comporte l'islam. Il y a l'islam général, qui est la soumission totale et le dévouement à Allah subhanahu wa ta'ala et l'éloignement du shirk. Et cet islam global, il regroupe un islam spécial qui est le premier degré. Le deuxième degré, c'est l'iman, la foi. Et le troisième degré, c'est l'ihsan, c'est le perfectionnement ou l'amélioration de la foi. D'accord ? Et Cheikh, il a dit, chaque degré comporte des piliers. On va, plus on avance dans les cours, on va éclaircir les choses. On va dire quelle est la différence entre l'islam et l'iman, ou l'iman et l'ihsan. On va éclaircir ça, inshallah, bidnillah. Mais il faut avancer avec moi doucement, pas à pas. Et non pas à la fin, vous vous posez les mêmes questions parce que vous n'avez pas suivi les cours régulièrement. Chacun de ces degrés comporte des piliers. L'islam a des piliers. L'iman ou la foi a des piliers. L'ihsan, la foi parfaite, a des piliers. D'accord ? Donc le rukn, le pilier, c'est quoi ? C'est ce qui constitue la chose. On l'a défini le dimanche dernier. On dit le rukn, il fait partie de la chose. On dit que rukn salah, c'est takbirat l'ihram, la lecture de l'fatiha, d'accord ? Et ruku', le fait de se lever de ruku', sujoud, la position assise entre les deux prosternations. Donc ça constitue la prière elle-même. C'est ce qu'on appelle rukn. Si le rukn il tombe, la prière elle tombe. D'accord ? La prière, elle n'a pas de valeur. Et on a dit shart, c'est la condition. La condition, elle ne fait pas partie de la prière, elle le précède. Comme on a dit, les ablutions, c'est une condition de validité de la prière. Il précède, mais l'absence de l'ablution implique l'absence de la prière. Implique la non-validité de la prière. Donc ça, c'est la différence entre rukn et shart, qui est condition. Les piliers de l'islam, tout le monde connaît. Sont au nombre de 5, comme dans le hadith sahih. Bouni al-islam wa ala khams. Islam est bâti sur 5 choses. Shahadat wa la ilaha illallah, le témoignage connu, il est en droit d'être adoré qu'Allah, wa anna Muhammad al-Rasulullah, et que Muhammad est son envoyé, wa iqamu salat, le fait d'accomplir la salat, wa ita'u zakat, s'acquitter de la zakat, wa sawmu ramadan, jeûner le mois de ramadan, wa hajjul bayit, et de faire le pèlerinage. Donc, la shahada maintenant, l'attestation. Shahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad al-Rasulullah. Donc, attestation connue, il est en droit d'être adoré à Allah, qu'Allah, la plus grande attestation de la plus grande chose attestée. La plus grande attestation, il se trouve où ? Dans le Coran. Dans le Coran, parce qu'Allah lui-même, il atteste. Donc, ça me suffit l'attestation d'Allah, en premier. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط الله التموان lui-même il témoigne. Donc si Allah il témoigne, donc je témoigne, je suis le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi tu dis أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله? La personne il doit répondre parce que Allah lui-même a témoigné. Parce que d'abord, Allah lui-même a témoigné. Et après, si tu veux donner d'autres arguments, tu peux le donner. D'accord ? Tu commences d'abord par ça. Parce qu'Allah, il atteste le témoignage du roi des rois. Le témoignage du créateur, du seigneur de l'univers. Donc, et on a dit la dernière fois aussi que les signes sont de 2 ordres. Les signes ontologiques, les cieux et la terre, et les signes religieux qui sont les versets révélés. On a dit ça. On a dit qu'il y a 2 sortes de signes. Bayin ayat, il y a ayat kawniya, ayat sar'iya. Il y a les signes universels qui prouvent la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, rububiyyat Allah, les cieux, la terre, l'alternance entre le jour et la nuit, notre corps, comment il fonctionne, etc. Ça, on les appelle signes ontologiques, signes universels. Et il y a les signes religieux, les signes religieux, c'est les versets qui sont révélés. Les gens de la sunna et de la communauté, ils réfèrent d'abord aux signes religieux. D'accord ? Et il leur suffit le témoignage d'Allah. Ça suffit. Il leur suffit. Allah, il révèle dans le Coran, authentique, préservé, il dit, il témoigne que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Donc, les gens de la sunna, les vrais croyants, ils se basent sur les signes révélés. D'accord ? سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ. Allah, il dit dans le Coran, nous leur montrerons nos signes dans l'univers, donc signes ontologiques, kauni, universels. Nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, entre parenthèses le Coran, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela la vérité. Ça, c'est une partie du verset. La suite du verset. Ne suffit-il pas que ton Seigneur soit témoin de toutes choses ? Ça nous suffit, nous. Ça nous suffit, même si on ne voit pas les signes, même si on ne voit pas les étoiles, ça nous suffit le témoignage d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. D'accord ? Ça, c'est dans Sourate 41, le verset 53. Donc, ça nous suffit qu'il témoigne lui-même dans le Coran. Et celui qui n'a pas, normalement, les gens qui ont la foi basse, et toujours, ils cherchent d'autres signes. D'accord ? Ils cherchent des miracles, ils cherchent des ruptures d'habitude, ils cherchent quelque chose d'extraordinaire qui le pousse à croire en Allah. Il veut, comme les mécréants ont dit au prophète, on veut voir des signes, on veut que la lune se fonde en deux, on veut que la chamelle sorte du rocher pour qu'on ait plus de conviction, pour qu'on ait plus de croyance. D'accord ? Ils cherchent des signes qui sont concrets. Ça ne leur suffit pas le témoignage d'Allah, ni le témoignage du prophète. D'accord ? وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ. Et ils dirent, pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur ? Ils ramènent les versets, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les autres prophètes ont ramené les versets révélés, la parole d'Allah qui est un attribut de lui, l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, la parole lui-même il parle, le prophète il ramène la parole, mais il n'a pas d'incidence sur leur cœur. Donc pour qu'il ait cette croyance, pour qu'il croie, pour qu'il ait la conviction, ils cherchent quelque chose de concret, ils veulent quelque chose d'extraordinaire, ils veulent voir des miracles, des prodiges. Et ils ont dit, « وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَبِّهِ. » Et ils dirent, « Pourquoi n'a-t-on pas fait descendre sur lui des prodiges de la part de son Seigneur ?»« قُلْ إِنَّمَا الْآيَةُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ » dit, les prodiges sont auprès d'Allah, moi je ne suis qu'un avertisseur bien clair. Le prophète, il n'est qu'un avertisseur. La suite du verset. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ. Ne leur suffit-il donc pas que nous ayons fait descendre sur toi le livre. Le livre et qu'il leur soit récité. Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. La personne qui croit, ça lui suffit la parole d'Allah. Comme miséricorde et comme guérissement de son cœur, comme guérison de son cœur. Ça lui suffit. D'accord ? Il sait que cette parole, c'est un attribut d'Allah. Quand il lit le Coran, il sait que cette parole, elle a un effet. Il peut changer sa vie. Il peut le guérir de toutes les maladies. Il peut guérir son cœur de tout shirk, de toute croyance, fausse croyance, etc. Donc, il sait que c'est la parole d'Allah. Il est plus grand que n'importe quel signe universel. أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ. Ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité. Il y a assurément là une miséricorde et un rappel pour des gens qui croient. Je vous donne la suite qui est très importante. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا. Dis, Allah suffit comme témoin entre moi et vous. Il sait ce qui est dans les cieux et la terre. Il suffit comme témoin. Son témoignage suffit. Et son témoignage nous suffit à nous. On va éclaircir bien les choses après, Inch'Allah. Et il dit, subhanahu wa ta'ala, ça on a évoqué, ça nous rime ayatina fil afaq. Donc, Allah, il atteste que nul n'est en droit d'être adoré par deux voies. Donc, il y a la voie des prophètes, qui sont les versets révélés, et il y a l'autre voie, la voie de la création et les signes universels. D'accord ? Allah, il atteste, il témoigne par ces deux voies-là. Dans le Coran, il dit Shahid Allah, il atteste lui-même que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Shahid Allah, annahu la ilaha illahu. Et il atteste par les signes universels. Quand on voit la beauté de l'univers et comment il obéit à des règles, à des lois, etc., qui sont vraiment très précis, ça prouve que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Donc il nous le montre par ces deux voies-là. Donc le verset il dit شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Allah atteste, Allah témoigne que nul n'est en droit d'être adoré que lui. Comment témoignent aussi les anges et les êtres de science ou ceux à qui on a donné la science, et c'est de là de sa part accomplir l'équité. Nul n'est en droit d'être adoré que lui, le Tout-Puissant, le Sage. La ilaha illahu al-aziz al-hakim. Donc, il atteste, il a rejoint à lui qui ? Il a rejoint les savants. Parce que l'attestation doit être toujours précédée par le savoir, par la connaissance. Et là aussi, c'est un mérite des savants. Le fait qu'Allah, il atteste, et il fait rejoindre à lui directement, wal-mala'ika, les anges, wa ulul ilm, et ceux, les êtres de science. Donc, c'est les savants, c'est eux qui connaissent le plus Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est eux qui possèdent l'attestation la plus authentique. Parce que chacun, il a son attestation. Parce que c'est comme les diplômes. On donne l'attestation, même par exemple, les promotions de 40 étudiants. Ben, tous ils ont réussi, ils ont l'attestation, mais il y en a qui ont mention très bien, les autres ont mention à bien, et puis il se peut qu'il y ait des gens avec des diplômes falsifiés, il a juste les témoignages, mais il n'a rien fait. Il n'a pas assisté au cours, il n'a fait aucun effort durant l'année, à la fin de l'année, il a falsifié le diplôme et il l'a donné à l'entreprise pour qu'il rentre. Donc c'est un diplôme falsifié et n'était pas précédé par quoi ? Par la connaissance et par l'acte, il n'était pas présent dans les cours. Témoignage. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, doit être précédé par la connaissance et doit être précédé par les actes. Quand tu dis la ilaha illallah, ça veut dire que je n'adore que lui, ça veut dire que je me prosterne devant lui, que je fais le jihad dans son sentier, toutes les actes d'adoration, toutes les choses qu'il aime, j'essaie de les faire pour authentifier son attestation. Donc ça c'est la preuve de la shahada. Le cheikh rahimahullah, maintenant quand il a parlé de la shahada, le témoignage que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, shahada la ilaha illallah, il explique. Il a expliqué, il a dit wa ma'naha la ma'bouda bihaqqin illallah. La ma'bouda bihaqqin illallah. Ceci signifie que personne ne mérite l'adoration à part Allah seul et unique. Donc il explique la ilaha illallah. La ilaha, ça veut dire la ilaha, la ma'louh, ça veut dire l'adorer. Ça, on en a parlé durant les premiers cours. Donc la signification de la ilaha illallah, ça ne veut pas dire qu'il n'y a de créateur qu'Allah, il y a de roi qu'Allah. Ça, même Iblis, il le reconnaît, on l'a dit. Il a dit, Rabbi lima arwaitani. Il a dit, oh mon Seigneur, oh mon Rab. Donc il reconnaît cette réalité. Il sait qu'Allah, il est le gérant, il crée, etc. Mais la ilaha illallah, ça veut dire que nul ne mérite l'adoration qu'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc la formule, et il a dit, il est formé de négation et d'affirmation. Chaque fois qu'on vous dit la ilaha illallah, vous mettez toujours, il faut que dans votre tête, vous ayez les deux termes, nafi wa isbat, négation et affirmation. Donc là, le cheikh, rahimallah, il éclaircit. Il dit, la formule la ilah, ça veut dire négation, ça veut dire aucune divinité. La ilah, il nie les divinités, il dénie tout ce qui est adoré à part Allah. D'accord ? La ilah, ça veut dire négation, il n'y a pas de divinité. Illallah, ça veut dire affirmation, ça veut dire sauf Allah. Il confirme l'adoration d'Allah seul, sans aucun associé dans son adoration. Tout comme il n'a pas d'associé dans son royaume. D'accord ? Donc, nafi, négation, il n'y a pas de divinité. Sauf Allah qui est en droit d'être adoré. Mais maintenant, il y a une question qui se pose. Il y a une question qui se pose. C'est qu'on trouve dans le Coran, dans la Sunna, dans la Sirah du Prophète sallam, qu'il y a d'autres divinités, ça existe. Et même dans le Coran, Allah, il en parle. Comme dans Sourate Hud. فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ. Allah dit dans Sourate Hud, la Sourate 11 et le verset 10, de rien ne leur servir leur aliha. Ça veut dire leur Dieu ou leur divinité. De rien ne leur servir leur Dieu qu'ils invoquaient en dehors d'Allah. Donc il y a une affirmation qu'il existe d'autres dieux. Comment alors dans le témoignage on dit il n'y a pas de Dieu ? Et dans un autre verset, comme quand les peuples de Moussa, ils ont dit « قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون » Quand Moussa, avec son bâton, il a frappé la mer, il s'est fondu en deux et ils ont traversé la mer. Après, quand ils ont traversé la mer, ils ont vu des gens en train de faire atikaf, d'adorer leur divinité, un ilah. Ils ont dit au Moussa, désigne-nous un ilah, une divinité semblable à leur ilah, à leur divinité. Donc dans ces versets, il y a affirmation des autres divinités. Ça veut dire qu'ils existent, ces autres divinités. Mais comment alors ? Allah, il dit, il n'y a pas de divinité sauf Allah qui est en droit d'être adoré. Là, il nie, et dans les versets du Coran, il les affirme. Ça veut dire qu'il y a contradiction ? Non, il n'y a pas contradiction dans le Coran, dans la parole d'Allah. Hasha lillah, il n'y a jamais de contradiction. La réponse, c'est qu'il n'y a pas de vrai adoré. De vrai adoré. Ces divinités sont des fausses divinités. D'accord ? Ces divinités sont des fausses divinités. « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ » وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرِ. Allah il dit dans sourate Al-Hajj, dans le verset 62, sourate Al-Hajj, sourate 22. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquaient en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le très haut, le grand. D'accord ? Donc les autres divinités, c'est des fausses divinités. Ce ne sont pas des vrais dieux. Le vrai dieu, c'est Allah l'unique, subhanahu wa ta'ala. أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ وَالْأُخْرَى أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَى تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَى. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate Al-Najm, que vous ensemble des divinités Lat et l'Uzza. On a parlé de Lat. On a parlé de l'Uzza. C'est des idoles qu'adoraient les gens de la Jahiliya, les Quraysh. Et Manat. D'accord ? Et on a dit que Lat, c'est le féminin de l'Ilah. Quand on a parlé de l'association relative aux noms et aux attributs, il faut se rappeler, il faut réviser Lat ou l'Uzza. Et l'Aziz, l'Uzza, c'est le féminin de l'Aziz. Donc, c'est une sorte de déviation dans les noms et les attributs. C'est shirk, c'est l'association relative aux noms, aux attributs, le fait de transformer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de le rendre au féminin. Allah, il dit, que vous ensemble des divinités Lat et l'Uzza, ainsi que Manat, cette troisième autre, sera-ce à vous le garçon et à lui la fille, que voilà donc un partage injuste. Et Allah, il dit dans le reste, « إِنْهِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُهَا » Ce ne sont que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres. Allah n'a fait descendre aucune preuve à leur sujet, ils ne suivent que la conjecture. يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ dans sourate 53 et les versets du 19 jusqu'à 23. Donc, ce ne sont que des noms. vous avez innové ces noms. Ils n'ont aucune vérité, ils n'ont aucune réalité, aucun fondement religieux. D'accord ? Donc, c'est des fausses divinités. Comme a dit Youssef, « Il n'y a illa asma'un sammeytumouha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In il hukmu illa lillah, amara alla ta'budu illa iya. » Youssef, a.s., quand il était en prison, qu'il faisait le da'wah, il invitait ceux qui étaient avec lui à l'islam. Il leur a dit, vous n'adorez en dehors de lui que des noms que vous avez inventés, vous et vos ancêtres, à l'appui desquels Allah n'a fait descendre aucune preuve. Donc, c'est des fausses divinités. D'accord ? Et là, Cheikh, rahimahullah, il donne davantage d'explications. Donc, il a expliqué le témoignage, le shahad. La ilaha illallah, ça veut dire négation. Qu'il n'y a pas de divinité. Et s'il existe, c'est des forces. Donc, il n'y a pas de divinité. À part Allah, sauf Allah, qui est l'unique, qui est le vrai adoré, qui mérite qu'on l'adore. Donc, négation et affirmation, retenez-la, retenez ça. Il faut bien retenir ça. Nafi wa isbat. Chaque fois qu'on dit le témoignage, vous dites Nafi wa isbat. Je nie. Je nie les autres divinités. Je nie les lois des mécréants. Je nie leur mode de vie. Je nie leur fête. Je nie. J'affirme. J'adore Allah. Je me soumets à lui. Je me soumets à ses lois. Je fête les fêtes qu'il a légiférées, qu'il a recommandées. Je suis son prophète. Négation et affirmation. Toute la religion, elle se ramifie bien de ces deux formules. Négation, affirmation. Maintenant, Cheikh, il donne davantage d'explications. Il dit wa tafsiruha alladhi yuwaddihuha qawluhu ta'ala wa idh qala ibrahim li abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Il dit les versets suivants du Saint Coran donnent une explication supplémentaire sur l'unicité d'Allah. Donc il donne davantage d'explications. Et là il évoque ce verset là. Et quand Ibrahim dit à son père et son peuple, « Je me détache de tout ce que vous adorez, sauf celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera dans la bonne voie. » De cela, il fit une kalima. « وَجَعَلَهَا كَلِمَةً » Il fit une parole qui resterait parmi ses descendants, puisse-t-elle les inciter à revenir sur le droit chemin. Dans la sourate 43 et les versets de 26 à 28. Donc là, il est... Négation, pas de divinité, il équivaut à quoi ? À « je me détache ». Pas de divinité. Je me détache. Je me détache de ce que, ou je me proclame innocent de tout ce que vous adorez. Al-Bara, Aqidat al-Bara, on en a parlé. L'alliance et le désaveu. Je me désavoue, négation, se désavouer des autres divinités. Inni bara'un, mimma ta'budun. Je me proclame innocent de ce que vous adorez. D'accord ? Je me désavoue de ce que vous adorez. Nul n'est en droit d'être adoré. Négation. Il n'y a pas de divinité. Vos divinités sont fausses. D'accord ? Donc ça équivaut à la première partie du verset. Illallah, sauf Allah, la ilaha illallah, illallah, sauf Allah, équivaut, sauf celui qui m'a créé. Et quand Ibrahim dit à son père et son peuple, et à son peuple, je me détache de tout ce que vous adorez, donc ça, c'est négation, sauf celui qui m'a créé, affirmation. J'adore celui qui m'a créé. Donc, illallah équivaut, sauf celui qui m'a créé, c'est ce qu'on appelle l'wala, l'alliance. L'alliance avec Allah, avec les alliés d'Allah, avec les prophètes, les envoyés, les prophètes, les anges, et les alliés d'Allah. Et dans la suite du verset, et il laissa cette formule, cette kalima. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ. Et il laissa cette formule, cette kalima, cette formule, nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنِّي بَرَاءٌ مِنْكُمْ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي. En héritage à ses descendants, puisse-t-elle les inciter à revenir sur le droit chemin. Donc il a laissé ça, parce que les prophètes n'ont laissé en héritage ni dirham ni dinar. Ils ont laissé quoi ? Comme dans le hadith, le quoi ? L'ilm, la connaissance. D'accord ? Et en priorité, la connaissance que nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah. D'accord ? Comme il a dit dans un autre verset, وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dans un autre verset dans sourate Al-Baqarah, telle fut la recommandation d'Ibrahim à ses fils et Yaqub. Allah, la recommandation est la suivante. Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez point donc autre que musulmans. Donc, il a recommandé Tawhid, il a recommandé l'unicité d'Allah, il a recommandé l'islam. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. De cela, il fit une kalima, une parole, la bonne parole. ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً. Allah a donné comme parabole une bonne parole, كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةً, comme un bel arbre, أَصْلُهَا ثَابِتٍ, bien ferme sur terre, وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, sa base est ferme, bien enracinée, وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ, et ses ramifications, ils vont vers le ciel, تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا, il donne ses fruits à chaque moment par la permission de son Seigneur. Donc c'est ça, kalima tayyiba. Kalima, des fois c'est avec kalima dans le Coran, comme dans Sourate Ibrahim, Allah a donné comme parabole une kalima, ça veut dire la ilaha illallah. Et là, dans ce verset qui se trouve dans la Sourate 43, dans verset 26 jusqu'à 28, وَجَعَلَهَا kalima, et il fit une kalima, ça veut dire la ilaha illallah. Donc, c'est une kalima en héritage qui resterait parmi ses descendants. Peut-être qu'il revient à cette kalima. D'accord ? Donc, peut-être que cette kalima les incite à revenir au droit chemin. Surtout les Quraysh. Quraysh qui prétendent être de la lignée d'Ibrahim. Donc, Ibrahim a.s., il les invite à suivre cette parole, à mettre en pratique cette kalima, la ilaha illallah. Donc, il a dit, puisque vous prétendez suivre la voie d'Ibrahim, vous faisiez le tawaf autour de la Kaaba, vous protégez le temple et tout, donc, j'ai laissé en héritage la ilaha illallah, il faut la connaître, il faut la mettre en pratique. La suite de la Risala, où le Cheikh rahimahullah, il dit de même ces citations divines dans le Saint-Coran. Donc il ajoute davantage d'arguments. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala, قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Dit aux gens du livre, venez, ta'alaw, vers une kalima, ou venez à une kalima, parole, ça veut dire la ilaha illallah, une kalima, parole équitable entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah. C'est quoi cette kalima? C'est que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Puis s'il tourne le dos, dites, soyez témoins que nous sommes musulmans. C'est dans Sourate Al-Imran, dans le verset 64. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ. Venez à une parole équitable, سَوَاءٍ بَيْنَنَا, entre nous et vous. C'est quoi cette parole, c'est quoi cette kalima? أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهِ, que nous n'adorions qu'Allah. لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا sans rien lui associer ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله, et sans que nous prenions les uns les autres pour Seigneur en dehors d'Allah. Donc ce verset là on sait que c'est un verset, c'est le verset que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a envoyé la lettre à Hiraql, vous vous rappelez, dans la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé une lettre, un message à Héraclius, où il dit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Lim Muhammadin, Rasulillah, ila Héracl Azim al-Rum, Salamun ala min ittaba al-Huda, amma ba'd fa inni ad'uka bi da'ayat al-Islam, Aslim taslam, de Muhammad l'envoyé d'Allah, à Héraclius, souverain des Roms, paix à celui qui a suivi la bonne voie, embrasse l'islam, tu seras sauvé, embrasse l'islam, Allah te rétribuera deux fois, si tu te détournes, tu porteras les péchés des hérissiens, ça veut dire des laboureurs, parce que la majorité du peuple qui était sous la tutelle de Héraclius, c'est des laboureurs. D'accord. Et après, il lui a envoyé ces versets-là. Ya ahl al-kitabi, ta'alaw ila kalimatin, parce que Héraclius, c'est un chrétien. Il a dit, tu seras récompensé deux fois parce que tu étais chrétien, tu as cru en la Bible, en l'Évangile, tu as cru en Jésus, et là tu vas rentrer en Islam, tu seras récompensé deux fois. Allah te rétribuera deux fois si tu te soumets à Allah. Et il dit aux gens du livre, يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. Venez à une parole commune ou de toute équité entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah sans rien lui associer et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneur en dehors d'Allah. Mais s'il se détourne, dites alors, témoignez que nous autres nous sommes musulmans. Donc ça c'est ce verset là a été envoyé par le professeur Aslam à Héraclius, d'accord. Dans les livres d'exégèse, c'est un verset qui a été révélé quand la délégation de Najran est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a envoyé une lettre et tout, Najran c'est une région du Yémen. Les chrétiens, ceux qui vivaient au Yémen, révisaient la sirah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sont venus le voir. C'était une délégation de 70 personnes avec les trois notables. Et ils ont discuté avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont parlé à propos de Jésus, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, passez le lendemain. Et puis le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu la révélation. Inna mathala Isa indallahi ka mathali Adama khalaqahu min turab thumma qala lahu kun fayakun. L'assemblance pour Allah, Jésus est comme Adam qu'il créa de poussière, puis il lui dit sois, et il fut. Et c'est là où le reste du verset Al-Haqqu min Rabbika fa la takun min al-mumtarin. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم. Et si l'on t'oppose là-dessus des arguments après ce que t'es venu de science dit, où tu n'as qu'à dire تعالوا, venez, appelons nos fils et les vôtres, ta'ala, on adra abna ana wa abna akum, wa nisa ana wa nisa akum, nos femmes et les vôtres, wa anfusana wa anfusakum, nos propres personnes et les vôtres, puis proférant exécration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a su qu'ils n'ont pas voulu se soumettre, ils n'ont pas voulu croire que Jésus est comme Adam, il l'a créé. Que c'est un prophète et c'est un serviteur d'Allah, c'est un être humain. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu qu'ils ne l'ont pas obéi, il a ramené le Hassan et le Hussein, ses petits-enfants, et Fatima radiallahu anha, et il a dit voilà, on va se livrer à cette exécration, à cette profération exécrable. Ça veut dire que on doit chacun. Il dit qu'Allah le maudit s'il est menteur. Qu'Allah il maudit le menteur. Et là, ils se consultèrent et ils ont vu que le prophète sallam était sérieux. Ils ont dit, écoutez, il y a beaucoup de signes qui nous disent que c'est un vrai prophète. Et si on se livre à ça, si entre nous, on ramène nos familles et tout, qu'on dit qu'Allah maudit le menteur, eh ben, s'il s'avère qu'il est le vrai, c'est le prophète, le véridique, ben, il ne restera de nous sur cette terre ni poils ni cheveux, ça veut dire sans qu'Allah nous l'anéantisse. Et ils ont eu peur et ils n'ont pas voulu se livrer à faire cette profération. Et après ils ont dit nous acceptons. C'est ce qu'on appelle en arabe le mubahala, ça veut dire qu'Allah il maudit le menteur. Et ils ont accepté de payer le tribut au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ne l'ont pas combattu. Donc certains savants, ils exégètent, et même Ibn Ishaq dans Sira, il dit que ce verset, aux gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, qu'on adore, etc. Le verset, et ce verset-là, قُلْ تَعَالَوْ نَدْعُ أَبْنَاءَنَا, c'est le même, dites venez à une parole commune entre nous et vous, quand nous appelions nos fils et vos fils, nos femmes et vos femmes, nos personnes et vos personnes. Et c'est tous ces versets ont été révélés pour la même occasion, c'est quand la délégation de Najran est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé la lettre à Héraclius et qu'il lui a envoyé ces versets-là. Donc, qu'il y a Ahl al-Kitab, oui, je veux éclaircir juste un point. Le verset qu'a donné le Cheikh Rahimahullah. Osons dit livre, mettons-nous d'accord sur un terme. Osons dit livre, Kulia Ahlul Kitabi Ta'alaw ila Kalimatin Sawa. Osons dit livre, Ta'alaw vers une Kalima de toute équité, qui est la ilaha illallah, d'accord. Mais Ta'alaw veut dire quoi? S'élever. D'accord? Allahu Ta'ala, ça veut dire. Ta'ala amma yushrikun, élevé soit-il au-dessus de ce qui lui est associé. De ce qui lui associe. Donc quand on dit ta'alaw, ça veut dire venez et élevez. Il faut s'élever. Ta'alaw ila kalimatin sawa. Il faut s'élever. D'accord? S'élever. Subhanakallah, bihamdik, shadu la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.